Chapitre 7e. Maurice de Lavernay. Maurice de Lavernay avait fait un chemin rapide dans la magistrature. Il appartenait depuis 2 ans au ressort de Paris, et l'entrevoyait sa prochaine entrée à la cour de la Seine. D'un autre côté, son mariage avec Ève de Vallombreuse ne devait plus subir de longs retards. L'avenir se présentait donc à lui sous les plus riantes couleurs. Et cependant, il n'était pas aussi complètement heureux qu'il affectait de le paraître. Plus d'un nuage se cachait sous son ciel bleu. De vagues appréhensions traversaient son esprit et le troublaient. « Veillez bien sur la duchesse, sur Ève et sur Marcel, » lui avait écrit le vicomte de Kerlusset. « Il se trame dans l'ombre quelque chose. » Cet avertissement sinistre était sans cesse présent à sa pensée. Quel pouvait être ce danger ténébreux qui les menaçait? Cette question qu'il s'adressait presque chaque jour demeurait toujours sans réponse. Parfois un souvenir venait l'assaillir, c'était celui de l'arrêt rendu dans l'affaire du Faubourlois. La grâce accordée à l'institutrice des demoiselles de Vallombreuse, un an après sa condamnation, avait causé un si grand étonnement à Maurice de Lavernay qu'il s'était enquis auprès de la chancellerie des motifs de cette faveur insolite, mais la chancellerie était demeurée muette. Pendant le cours des débats et sous le coup de la fièvre qu'éprouve un jeune magistrat en présence d'un grand crime, il avait cru sincèrement à la culpabilité de Flavia. Mais depuis sa mise en liberté si extraordinaire, un travail involontaire s'était fait dans son cerveau, et ce qui, dans le principe, lui avait paru aussi clair que la lumière du soleil, devenait obscur. Bien des détails qui lui avaient échappé lors de l'instruction lui revenaient en mémoire, il se demandait parfois s'il n'avait point fait condamner une innocente. L'air mystérieux d'Amaury avait fortifié ses doutes, et bien qu'il ne s'expliquât point quel rapport pouvait exister entre Flavia et les dangers qui menaçaient la famille Vallombreuse, par moments, ces deux choses s'associaient dans sa pensée et malgré lui, il sentait de vagues terreurs. Maurice de Lavernay, chaque année, à l'époque des vacances, allait passer une semaine ou deux auprès de sa tante Athénaïs, à laquelle il portait une vive affection. 10 jours après l'installation de Sir John Colfax au chalet de Saint-André, le jeune magistrat arrivé au château des Abîmes, où il fut reçu à bras ouverts par la vieille châtelaine et par Brigitte. La chambre qu'il avait l'habitude d'occuper était remise à neuf, et un élégant bureau en acajou avait été acheté à Genève à son intention. Des volubilis et des capucines formaient sur sa fenêtre un rideau de fleurs et dérobaient les profondeurs du gouffre. Lorsque les premières embrassades eurent été données et rendues, Maurice demanda où était son père. « Le baron, répondit sa tante, déserte le logis du matin au soir depuis quelques jours. Oui, il ne quitte plus ces maudits étrangers qui ont loué le chalet de Truaz, ajouta Brigitte. Que veut dire tout cela? Fit le jeune magistrat. Cela veut dire, mon neveu, que ton père se croit revenu à 20 ans et qu'il s'est laissé ensorceler par des Américains qui sont tombés ici un beau matin comme une avalanche sous prétexte d'acheter notre château. Achetez votre château, ma tante, oui. Répliqua Brigitte, il paraît qu'ils sont cousus d'or, car ils en ont offert 200 000 francs à mademoiselle. 200 000 francs? Répéta Maurice, stupéfait. Regretterais-tu, comme mon frère, que j'ai refusé? Nullement, ma chère tante, car ce n'est pas avec de l'or qu'on peut payer le berceau de la famille. Bien parlé, Maurice, tu es un Lavernais, toi. Et vous dites que mon père boit souvent ses étrangers? Il passe une partie de sa vie auprès d'eux, répondit Athénaïs. Tous les jours, ce sont de nouvelles excursions. Tantôt dans les montagnes, tantôt sur nos lacs. Ils sont partis hier pour Chamonix, et le baron ne rentrera que ce soir ou demain. S'il n'y avait que le vieil Américain et ses amis, poursuit Brigitte, monsieur le baron serait moins empressé, mais il n'y avait que sa fille. Ah, cet Américain a une fille. Que ton père trouve admirablement belle. Moi, je la trouve affreuse. Non pas qu'elle soit laide, mais figure-toi qu'elle a les cheveux rouges. À ce point, interrompit la vieille servante, qu'on croirait qu'elle a une flamme autour de la tête. Rapide comme l'éclair, un souvenir traversa l'esprit du jeune magistrat et son visage s'assombrit. Mais il garda le silence sur les sinistres pensées qui l'agitaient. Le lendemain, le père prodigue revenait de Chamonix. Il était radieux et il raconta en termes chaleureux les divers incidents de son excursion avec les étrangers. « Combien je regrette, dit-il à Maurice en terminant, que tu ne sois pas arrivé 24 heures plus tôt. Tu aurais vu, tu aurais admiré la plus adorable jeune fille qui soit au monde. Mais ce n'est que plaisir remis. Demain, nous ferons l'ouverture de la chasse dans la Semnose. Je t'ai annoncé et tu seras des nôtres. Soit, répondit le jeune magistrat. Cette partie de chasse n'était guère du goût de mademoiselle de Lavernay et de la vieille servante qui aurait voulu confisquer Maurice à leur profit. Vous allez me débaucher mon neveu, dit Athénaïs de mauvaise humeur. Ce n'est pas une femme que cette étrangère, murmura Brigitte dans son coin. C'est un tison d'enfer, elle met le feu à tout ce qu'elle touche, pourvu que le jeune maître ne se laisse pas roussir à sa flamme. Maurice, en acceptant l'offre de son père, n'avait fait qu'obéir à un entraînement pour ainsi dire instinctif. Un pressentiment lui disait que cette étrangère devait jouer un grand rôle dans sa vie.